Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le petit frère de Bordeaux, voilà, monsieur Nordin Ganso. Salut. Alors, anecdote. Alors, j'ai fait la première date de mon spectacle à Bordeaux, au théâtre Drôle de Seine, un endroit où on a tous un peu commencé. Et le spectacle se passe super bien. Je fais 50 minutes de mon spectacle. Il y a une fille qui venait depuis Arcachon, une fille super sympa, super agréable, qui s'est mise au premier rang et elle était un peu réactive à tout ce que je disais. Et donc à un moment donné, je lui envoie un petit tacle gentil, tout se passe bien. Et du coup, moi, je me dis, bon, à la fin, je vais la faire monter sur scène pour la chambrer. Et ce que je fais, je la fais monter sur scène et il s'avère que je lui demande de prendre mon téléphone pour faire une vidéo de la soirée. Et je me rends compte quand elle prend le téléphone qu'elle avait pas de doigts. Genre, elle avait que des phalanges. Ah punaise. Et tu sais, moi j'ai vu ça et j'ai vu les gens voir ça aussi. Et j'ai vu ça que au moment où elle tenait le téléphone parce que ses mains tremblaient parce qu'elle a pas de doigts pour tenir les téléphones. Et du coup, j'ai dit à la fille, ah c'est super, tu filmes super bien, allez on y va. Tac, j'ai mis la vidéo, j'ai pris le téléphone et j'ai dit on fait du bruit pour. Et du coup elle est ressortie de scène et dès que je suis sorti de scène, les premiers retours que j'ai eu c'était super, bravo, très bon spectacle, mais t'as eu très chaud à la fin. En mode tout le monde avait vu ce qui se passait et heureusement que j'ai pas traîné 1000 ans dessus. Ouais. Et c'était assez drôle et cocasse à la fois, mais c'était bienveillant parce que j'ai essayé de pas trop accentuer le truc dessus et puis ça s'est bien passé finalement. Donc voilà, petite anecdote pour ma première date, c'était cool. Ok, mais écoute, merci beaucoup, on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc Facebook, tout ça, ça. Nordin Ganso, donc G-A-N-S-O. Absolument. Voilà, et Instagram aussi peut-être. Insta, pareil, Nordin Ganso. Pareil. Twitter. Pareil, voilà. Ok, et donc pour ma part, vous me retrouvez sur Sofiane Humoriste, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à mettre une note et un commentaire voilà, sur iTunes. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.